to the ground. Sur Lynyrd Skynyrd, je vous annonce que vous êtes en train de manquer leur show à Montréal. Ils jouent ce soir, en fait, à Laval, à la Place Belle, avec The Outlaws en première partie. Fait que, on va se consoler avec celle-là. Sweet Home Alabama, un de leurs plus gros classiques à eux autres. Lynyrd Skynyrd sur le 98.9 Énergie. Bon samedi. Well, I'm tu sois à Wayel. Pour que tu grimpes en haut des cocotiers, nous n'aurions plus besoin du laitier. Votre week-end on the rock. 100% classique, 100% party. Party rock, énergie. Yeah. Il y a quelqu'un qui m'écrit au 6-12-12, j'ai pas son nom, mais il me dit « Je suis pogné dans le trafic ben raide ». Il dit « Sur la 20, pour aller prendre le pont, au moins 1h30 d'attente à partir de la route Lagueux. Le pont de Québec est fermé en fin de semaine. C'est triste de même, faut utiliser le pont Pierre-Laporte. Ça jamme un peu partout, fait que je compatis. Ceux-là, tous ceux qui sont dans le trafic, j'ai plein de classiques pour vous autres. Dont celui-là, AC/DC, Back in Black. I invite you along. you, let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I wanna do like an animal. Help me. Moi, en fin de semaine, c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Fait que je me dirige rejoindre mes amis en sachant pas pantoute ce qui m'attend. Mais assurément, ça va être une super belle fin de semaine de fille. Fait que une date Tinder qui se construit en mariage et on s'en va célébrer ça en fin de semaine avec ma gang. Fait que bonne fin de semaine, tout le monde. Ah, ben c'est cute, ça. Moi, je l'ai toujours dit. Les célibataires qui sont pas sur les réseaux de rencontres sur le net, ils passent à côté de quelque chose. C'est sûr que c'est mieux sur le terrain, mais des fois, il y a des belles relations qui se développent de ce côté-là. Moi, je vais avoir un enfant avec ma blonde, puis on a commencé à jaser pas mal sur Instagram. Ça croise pas mal sur ces affaires-là. Fait que, ben, félicitations, puis... bon enterrement, vie de jeune fille. Message vocal sur l'application iHeartRadio pour m'en envoyer des comme ça. 6-12-12 aussi pour les textos. Faites quoi en fin de semaine? Voici Roxette, The Look. Walking like a man, heading like a hammer. She's a juvenile scam. Never was a cooler. Tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la. She's got the look. disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Mais je sais pas parce que je suis pas encore là. Parce que moi le monde je les trouve débiles. Mais quand t'es 4 sommes de vrai tout et pis que c'est à ton tour de traverser, moi je m'en fous du code civil. T'es humain, tu dois s'adapter quand tu l'as jamais respecté. C'est peut-être juste moi qui est pas habile avec la ville. Difficile de faire le changement, de partir en appartement. La vie dans le bois c'est le confort, je veux rester. Proche de la verge d'or. Quand j'étais petit cul, le cœur battant, on jouait dehors. Pour passer le temps, je tirais du gun pour m'amuser. Puis je mettais des cages à mener. Au harpon dans la rivière, ou tirer de l'arc dans une chaudière. Passer l'été à faire du bois, faut chauffer le poêle pendant l'hiver. La nuit tombée tout nu dans le lac, il fallait pas voir de lumière. Tout d'un coup, ça joue contre nous autres. Et qu'on voit les poils à ma mère. J'suis peut-être pas fait pour vivre en ville. Mais je sais pas parce que j'suis pas encore là. Parce que moi le monde, je les trouve débiles. Quand tu klaxonnes d'après tout et puis que ça tombe autour de traverser, moi je m'en fous du code civil. C'est bien dur s'adapter quand tu l'as jamais respecté. C'est peut-être juste moi qui est pas habile avec la ville. Mais je sais pas parce que je suis pas encore là. Parce que moi le monde je les trouve débiles. Quand ils klaxonnent après tout et dit que c'était ton tour de traverser, moi je m'en fous du code civil. T'sais, c'est bien dur s'adapter quand tu l'as jamais respecté. C'est peut-être juste moi qui est pas habile avec la ville. Énergie. Tu penses quoi, toi? Tu dis rien. Une heure de tes bras souffler la colère du monde. Voyager, être là, sauver chacune des secondes. Et protéger du froid les idées sans confondre. Tu vois, je rêve encore. Penser plus vite que mon nom. Je serai roi jusqu'à celui de ce monde. Te souviens-tu de moi? Jusqu'au son de ma voix. Suis-je aussi maladroit? Une tristesse à la fois. Tu vois, je rêve encore. Marcher plus vite que mes pas. Mais toi, tu penses quoi? Tu dis rien. Soulagé de tes doigts, douleur et poussière. Je voleur de ta voix, plier chacune des phalanges, me suggérer comme ça. Des yeux du bout des doigts, tu vois, je rêve encore. Penser plus vite, je peux pas, mais toi, tu dis rien. Tu oublies, tu penses à rien. Tu souris, mais qu'est-ce qu'on est bien. On oublie, on traverse les hauts, nos basses et pousses en lieu sombre. Et toi, tu penses quoi? Tu dis rien. Je veux bien m'arrêter si tu veux danser, moi je veux bien tout quitter si tu veux bien t'approcher, moi je veux bien m'arrêter si tu veux danser, moi je veux bien tout quitter si tu veux bien t'approcher. Mais toi tu penses quoi? Tu dis rien. Rien. 100% classique, 100% party avec Alex Sasseville. 7h45 sur Énergie, je regarde la map du trafic à Québec, puis c'est tough. Je vois du rouge pas mal un peu partout. Surtout là, pour partir la rive sud, pour rentrer sur la rive nord, pour passer sur le pont Pierre-Laporte, il y a un pont d'ouvert en fin de semaine. Celui de Québec est fermé, puis de bord en bord, je pense qu'on peut juste... En fait, oui, on peut passer en bicycle et à pied, mais sinon en char, c'est pas possible. Faut utiliser le pont Pierre-Laporte. Il y a même eu un accident après-midi. Il y a 2-3 chars qui se sont accrochés. Fait que ça n'a pas été facile aujourd'hui pour traverser Rive-Sud, Rive-Nord. Il y a même un bout du boulevard Laurier qui est fermé à cause qu'on fait des travaux sur le pont de Québec. Ça va bien. Bonne fin de semaine à vous autres. Comment ça se passe dans le trafic? 6-12-12 ou appelez-moi 88-670-9099. On va jaser. Au moins, on a du bling qui s'en vient dans quelques minutes. Il y a celle-là pas loin sur ma liste. Avenir. Des classiques à consommer. Sans modération. Énergie. Allez voir un match de foot, c'est un classique. Y aller sur le dos d'Énergie, c'est le fun. En tout temps, en écoutant le 98.9 Énergie, vous pourriez remporter vos 4 billets pour aller encourager le Rouge et Or football de l'Université Laval au stade TELUS Université Laval. Prochain match, dimanche le 5 octobre. Vos 3 chums les plus crinqués du foot puis une ambiance de feu. Énergie est la radio officielle du Rouge et Or. 98.9 Énergie. Léo, stem, Léo. Entre Emma et Léo, c'est l'amour autrement. C'est pas parce qu'on est mariés qu'on va s'imposer dans la vie de l'un de l'autre. Leur relation sera-t-elle assez forte pour survivre au désir de bousculer les conventions? Le temps, ça use les meilleures intentions. Ben, pas tout le temps. Ils vécurent heureux. Une nouvelle comédie dramatique avec Lévi Doré et Chanel Mings. Je capote, je t'aime, Emma, je t'aime. Une série originale Crave à regarder dès le 25 septembre. C'est bon en Crave. En montant dans la nouvelle Prius hybride branchable chez votre concessionnaire, vous pourriez être transporté loin de la ville où le seul bruit est celui d'un criquet vraiment en forme. Parce qu'avec une autonomie hybride aussi impressionnante, votre petit coin de paradis peut être à la fois plus loin et moins cher. Après, tout ce qui vous reste à faire, c'est de ramener la Prius à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 4000 $ en rabais gouvernementaux et en incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions. Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca. Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile d'olive? Oui, contenant. Mon papier d'aluminium? Oui, emballage. Les lettres d'amour de mon ex? Imprimé. Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective. Une semaine gratuite, ça vous tente? C'est le temps de venir essayer Mon Club Avantage. Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton, tout pour toute la famille. Au Club Avantage Multisport, on a votre santé à cœur depuis 46 ans. Clubavantage.ca. Au Phoenix, plus on est fou, plus on rit et plus on mange. Réunissez votre gang. Pour chaque groupe de 6 personnes ou plus, le Phoenix offre un repas gratuit. Oh oui, gratuit! Et c'est valable tous les jours, même le week-end, avec nos chansonniers en direct pour enflammer vos soirées. Bonne bouffe, bonne musique et ambiance de feu. Réservez votre table dès maintenant sur phoenixduparvis.com. Le Phoenix, le resto festif de Québec, dans le quartier Saint-Roch. Beauport Mazda. Voici une offre incroyable de Beauport Mazda. Mazda 630 2025, 93 $ par semaine en location 48 mois avec 1685 $ comptant, boni Mazda inclus. Beauport Mazda, rue Clémenceau, 667-3131. Jusqu'au 21 septembre, c'est la vente surprise ProPlan chez Les Tourneaux. Obtenez jusqu'à 12 $ de rabais sur la nourriture ProPlan pour chiens et chats et de super rabais sur la nourriture en conserve. Détails sur letourneau.com. Détails sur letourneau.com. Vire à gauche, vire à droite. Ah, cette affaire virée fou. Ça, c'est inconfortable. On peut pas contrôler les cauchemars des embouteillages, mais grâce à des rabais allant jusqu'à 50% sur les matelas sélectionnés, vous pourrez dormir confortablement. Léon, confort total. Chérie, as-tu branché la voiture? Oui. Ah, puis as-tu appelé les assurances? Oui. As-tu pensé à combiner l'assurance auto et celle pour la maison? Oui, oui. Puis, est-ce qu'ils t'ont donné un rabais? 25% de rabais et 50 $CA. Économisez en combinant vos assurances auto et habitation CA Québec. Obtenez jusqu'à 25% de rabais sur votre prime et recevez 50 $CA en remise. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto pour une soumission. Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points de plus. Jusqu'au 24 septembre, le beurre compliment est à 4,88 $ pour 454 grammes. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net. C'est la liquidation totale chez Nissan. Et c'est le moment de profiter de nos meilleures offres de l'année. Puis, on veut pas se vanter, là, mais cette année, on a été maintes fois récompensés pour nos véhicules. Donc, profitez du meilleur des deux mondes. Un financement à 0%, en plus d'un boni liquidation de 500 $ sur modèles sélectionnés et primés. Tous les modèles 2025 doivent partir. Rendez-vous chez Nissan dès maintenant. Sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. À Québec, au 98.9. Sur iHeartRadio. Le rock vit ici. Plus de classiques. 98.9. Les plus gros classiques arrivent dans la prochaine heure. Plus de classiques, plus de fun. 98.9 Énergie. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know. My show. Why? left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. For hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worry about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. words, weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. But here comes the man with a look in his eye. He's fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lived. Every single one of us, the devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside, devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. The devil inside. Yeah, yeah. Oh. The devil inside. Yeah, yeah. Ooh. We'll be right back. tenir au courant de ce que vous faites au 6-12-12. J'ai Yannick qui me dit « J'arrive des pommes. J'ai réussi à convaincre mon chum. Là, on a une poche de pommes. Des cidres, puis bientôt de la crustade. De la crustade. Ma blonde m'en a pas parlé, moi, encore, cette année. Quoique, j'aille pas ça, aller aux pommes. Quand il fait beau de même, là, une belle petite fin de semaine, tu vas prendre le soleil, c'est le fun. Mais c'est une grosse période pour ça. Donc, salut à Yannick et son chum. Et à tous ceux qui vont aller sur l'île d'Orléans, entre autres, cueillir des pommes. Voici Fall Out Boy sur Énergie. Captain Planet, Arab Spring, LA Riots, Roger King, Deepfakes, Earthquakes, Iceland Volcano, Oklahoma City Bomb, Kurt Cobain, Pokemon, Tiger Woods, MySpace, Monsanto, GMOs. Michael Jackson dies, nuclear accident, Fukushima, Japan, Crimea Peninsula, Cambridge Analytica, Kim Jong-un, Robert Downey Jr., Iron Man. Cubs go all the way again. Obama, Spielberg, explosion, Lebanon, Unabomber, Bobby John, bombing Boston Marathon, balloon boy, war on terror, QAnon. Trump gets impeached twice. Polar bears got no ice. Fire fest, Black Parade, Michael Phelps, Y2K, Boris Johnson, Brexit, Kanye West and Taylor Swift. Stranger Things, Tiger King, ever given so. Jordan 23, you two killed MTV, SpongeBob, Golden State Killer got caught. Michael Jordan 45, Woodstock 99, Keaton Babbitt was me gore. I can't take it anymore. Kaepernick, Texas failed electric grid, Jeff Bezos, climate change, white rhino goes extinct, Great Pacific garbage patch, Tom DeLonge and aliens, Mars rover, Avatar, self-driving electric cars, SSRI, Prince and the Queen die, World Trade, second plane, what else do I have? Rejoindre Alex Sasseville, 670-90-99 ou par texto au 612-12. Au 98-9, Énergie. Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à vent pour une coupe de 100 piastres. Qu'est-ce qu'un offre pas pour Peter voir la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé. Quand t'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchant, c'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Oh, à boire, car j'ai la gorge en feu. À boire pour les couples malheureux. À boire un dernier coup la grande. Je me suis engagé. Oui, je me suis engagé dans la marine. qu'un pauvre athée, c'est toi qui avais raison. Mais maintenant, laissez-moi rentrer à la maison. Ramène-moi, chérie, je t'en supplie. À boire, à boire, à boire, à boire, j'ai l'argent, j'en veux. À boire, à boire, à boire pour les couples malheureux. À boire, à boire, à boire, juste un dernier coup d'accord. Je me suis engagé dans la marine enchantée. Je me suis engagé dans la marine. Sur le quai du port de Djibouti, je suis vraiment paumé si loin de mon pays. T'as beau être une vraie folle, mais faut que je m'y résigne. J'attrape le premier vol le jour où tu me fais chier. Ah, tu peux bien revenir, mais presse-toi pas mon grand. Y'a pas le feu au navire et puis on t'attendra. J'suis en bonne compagnie avec la voisine d'en haut qui chaque soir dans le lit te garde la place au chaud. Votre week-end, vos classiques, votre party. Party Rock. Énergie. Arrive à job, punch la cloque, m'accroche le pied, ça mop. Tombe sa perruque, président, je gagne mon gros 4%. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Paye mon truck dans un garnot, manque de gaz, drette dans la côte. Deux tickets qui est collé sur mon windshield qui est défoncé, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Call in the bin, the flood, the window, tout demande de pain, des pistes, d'abord au cuir de flanelette, et tu connais que dans la l'ariden, met ta patte à l'imatou, ma tante à l'oum, l'imatou, je reviendrai demain. Ici, demain, je reviens chanter mon petit refrain. C'est parce que le vent vit le bord, pis c'est moi qui gagne, on sort ici. Demain, je reviens chanter mon petit refrain. C'est parce que le vent vit le bord, pis c'est moi qui gagne, on sort. Mes grands quatre sont arrivés à la maison, une paire de bottes sur le cadre de porte. Et pis ses mains sur tes rêves tombées, des larmes à mes deux poings. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain. J'éboule les marches, me pète la tête, je me bats le dos sur le Nintendo. Je me dis qu'un jour ça ira mieux, je suis peut-être pas né pour un petit pain. J'en reviendrai demain. J'en reviendrai demain. Call in the bin, the fly the wind, go to the mound, the pay the piece, the barque, the flanelette, et tu correct que don't den, la riden, mette ta patte, l'imatou, ma tante, l'imatou, l'imatou, j'en reviendrai demain. Ici, demain, je reviens chanter mon petit refrain. C'est parce que le vent vire de bord, puis c'est moi qui gagne, on sort ici. Demain, je reviens chanter mon petit refrain. C'est parce que le vent vire de bord, puis c'est moi qui gagne, on sort. La paye est bonne, la fille est belle, pis on s'adresse comme au ciel. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain. À l'une de miel, c'est pas chez elle, rien qu'une seconde pour venir au monde. J'aurais bien voulu dire que je t'aime, mais je cours pas vite, pis ton chum, oui, je reviendrai demain. Je reviendrai demain. Call in the bin, the fly the wind, go to the mound, the pain, the piss, the bottle, cuir, the flanelette, et tu correct, don't ben, la riden, met ta patte à l'imatou, maintenant t'allume, ma l'imatou, je reviendrai demain. Prenez votre week-end on the rock. Énergie.